Il est si petit, la plus belle des merveilles, avec ses cris. En cette nuit si belle, il rassure sa mère, c'est bien réel. Ça semble lointain, mais elle se souvient de ce jour annoté où Dieu lui fit part d'un plan étonnant, faisant d'elle une maman. Elle n'est pas mariée, tout juste fiancée. Quant à l'enfant qu'elle porte d'un père inconnu, mais Dieu a fait en sorte que son fiancé comprenne. Ils ont relevé le défi, fier et confiant. C'est qu'on appelait la rebelle. C'est fait. Qu'une simple mère, elle sait bien qu'elle tient là le cadeau de la vie.